temps que t'es là. Moi je n'ai rien à prouver, je sais pas pourquoi je fais ça. Tu me cherches, tu vas pas me trouver, je suis en train de fermer ma pizza. Oh oui, en ce moment tout va mal, mais ça va. On me dit souvent. Le cross level, le boost level.